je devais te rencontrer par hasard. Oserais-je t'inviter à prendre un café? Et de quoi pourrions-nous parler? On ne sait jamais ce qu'on laisse en souvenir. Jamais bien. La prochaine fois que tu tombes amoureuse, oublie tout si tu veux. Mais d'ici là, je veux bien que tu penses à nous un peu. Un peu. Un peu. De tes idées ou de tes vêtements. La prochaine fois que tu tombes.